temps et l'heure que sans toi ma vie n'a plus ni queue ni tête. Explique-leur combien on s'aime, ils comprendront s'ils sont pas bêtes. Dis-leur comment, comme une reine je te traite. Et dis-leur que s'ils t'éloignent de moi, c'est toute ma vie qui s'arrête. Elle ne se passe pas plus d'une minute sans que je pense à toi mon amour. Il ne se passe pas plus d'une minute sans que je me dise c'est pour toujours. Reviens-moi, reviens-moi, reviens-moi. T'en fais pas, t'en fais pas. Dis-leur que sans toi j'ai mal, sans toi je ne respire plus. Sans toi le mal dans ma vie prend le dessus. C'est ta famille je sais, et moi je t'aime tu sais. Je sens que sans toi c'est tous mes sens qui s'éteignent. Et c'est si facile pour eux de mettre un terme à tout ça. Mais si difficile d'imaginer ma vie sans toi. Explique-leur à quel point ils ont tort. Car tu sais bébé, sans toi je suis mort. Il ne se passe pas plus d'une minute sans que je pense à toi mon amour. Il ne se passe pas plus d'une minute sans que je me dise c'est pour toujours. Simplement que l'on s'aime plus que tout. Ouais mais moi, ouais mais nous, ouais mais nous. Dis-leur qu'on partira loin de tout. Qu'ils vont te perdre face à l'amour. Oh sans toi. Moi sans toi je deviens quoi. Sans toi. Sans toi, je deviens quoi? Sans toi.